Tout ce qu'on s'était promis quand on est tombé love girl. Des nuits de folie avec ou sans argent. Si je sens le flame, tu souris en chargeant. Pas d'honneur aux ennemis, que j'ai tort aux raisons. Je tomberai pour toi tout en restant confiant. Quelques mois ça va, mais 10 ans c'est du temps. Nigga, caché dans tes bras je me demande, pourrais-tu lâcher ma main pour un autre monde. J'ai dû cacher tous tes rêves de colombe. J'suis déjà chelou, que serais-je si tu m'abandonnes. Tu m'as dit toujours avoir confiance en toi. C'est pas que je doute, mais y'a quand même des fois. J'm'imagine que tu méritais mieux que tout ça. Que même si je sais pas, j'aimerais croire. Je sais où vivre et à te la commencer, tu me donnes espoir. Sur toi la main sur le magnum. Retrouveras-tu un autre homme qui saura te faire venir en 9 secondes. Smoke weed, boss gun. Ils disent que je ferai de toi une vagabonde. T'es la seule, t'es la bonne. Marche avec moi dans les rues de Kingston. Rang-dang. Caché dans tes bras je me demande, pourrais-tu lâcher ma main pour un autre monde. J'ai dû cacher tous tes rêves de colombe. J'suis déjà chelou, que serais-je si tu m'abandonnes. Tu m'as dit toujours avoir confiance en toi. C'est pas que je doute, mais y'a quand même des fois. J'm'imagine que tu méritais mieux que tout ça. Que même si je ne sais pas, j'aimerais croire. Je sais où vivre et à te la commencer, tu me donnes espoir.